mélanger. Je veux tout métisser. Je veux bien m'assurer. Moi, je veux tout mixer. Je ne suis pas fatigué. Je ne suis pas embêté. Le seul défaut que j'ai, moi, je veux tout mélanger. Je veux bien vous raconter comment ça a commencé. Ce qu'il faut oublier, ce qu'il faut métisser, ce qu'il faut colorer, ce qu'il faut bien tatouer. Ceux qui n'ont plus de langue pour pouvoir s'exprimer. Moi je veux tout mélanger, c'est le seul défaut que j'ai. Moi je veux tout mélanger, tout casser, tout coller. Moi je veux tout mélanger, je veux bien vous raconter. Moi je veux tout mélanger, parce que j'en ai assez. Mec, tu sais, mec, tu sais. Métissez-vous, métissez-vous, métissez-vous. Je vais vous métisser, métisser. Je vais vous métisser, vous. Je vais vous métisser, vous. Vous, je vais vous métisser. Aloudar à chaque fois. Doudou da da da. Na ka coloré oué. Parce qu'on en a assez. Ce n'est pas compliqué. Je veux pas vous le répéter. Je veux pas vous le refuser. Le dé, le lé, le lé, lé. Moi je veux tout mélanger. C'est le défaut que j'ai. Moi je veux tout mélanger. Je veux bien vous raconter. Moi je veux tout mélanger, tout casser, tout coller. Moi je veux tout mélanger, parce que j'en ai assez. Mec tu sais, mec tu sais. Mais tu sais vous. Métissez-vous, métissez-vous. Je vais vous métisser, métisser. Je vais vous métisser, vous. Je vais vous métisser, vous. Vous, je vais vous métisser. Moi, je veux tout mélanger. Je veux tout mélanger. Mec tu sais, oh. Mec tu sais, mec tu sais. Zap zip zip zip. Métissez-vous. Métissez-vous.